Monsieur Soral. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez de grosses larmes qui coulent. Je ne pense pas que ce soit ces dernières nouvelles qui... Et je ne dis pas sans riant quand même, parce que vos larmes m'attendrissent. Bah, il est... Vous pleurez. Alain Soral est arrivé avec une canne et avec les yeux qui n'arrêtent pas de couler. Oui, il se trouve que je ne sais pas si c'est lié à ma venue aujourd'hui chez vous. En tout cas, ça doit être lié à mon retour du Liban et à sans doute ma volonté de témoigner très objectivement de ce que j'y ai vu. Il se trouve que pour la deuxième fois, hier soir, j'ai été attaqué par un commando qui m'ont jeté de l'acide au visage, ce qui fait que j'ai passé la nuit à l'Hôtel Dieu et que j'ai réussi à peu près à récupérer mes yeux, là, mais j'ai du mal à voir et à lire. Et Vous avez effectivement les yeux tout rouges et qui oui, bah, larmoient. J'ai subi l'agression d'un petit commando. Alors que vous étiez en train de signer un ouvrage. Non, c'était la dernière fois. Là, oui. Ouais, et là, c'était dans la rue. Un commando qui vous a repéré alors. Oui, sans doute, oui. Des gens organisés et qui veulent sans doute montrer par là que les gens comme moi doivent se taire sur ce qui se passe au Moyen-Orient et qui pensent sans doute que c'est la meilleure méthode pour y arriver. Bon, je pense que les initiés sauront de qui il s'agit. Évidemment, j'ai porté plainte à la police. Évidemment, j'attends déjà l'enquête de la précédente agression qui n'a pas abouti. Visiblement, le procureur de la République n'a pas donné jugé nécessaire de poursuivre. Il n'y a jamais eu que 7 blessés, une librairie dévastée, une libraire partie en hôpital psychiatrique défoncée à coups de baramine. Un écrivain menacé de mort, enfin c'est pas grand chose hein, dans une démocratie. Et puis là, bon bah évidemment, ça a recommencé pour sans doute les mêmes raisons, parce que pourtant j'avais pas eu le temps de faire de commentaires d'ailleurs, mais je rentre du Liban, voilà. Voilà, donc il m'a paru, on avait invité Alain Soral en juin pour parler de son nouveau livre. Alors c'est un petit peu exceptionnel que le. La disgrâce, chute. Voilà. Chute et logique. Parce qu'il parlait déjà de ça d'ailleurs. Voilà, bon. Donc c'est un petit peu exceptionnel qu'on ait un invité qui. Qu'ils reviennent aussi vite. Enfin, Alain Soral, on avait reçu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de messages de félicitations. Tout le monde avait trouvé cet homme de gauche, mais ouvert, plutôt sympathique. Et donc, au mois de juillet, ça s'est déroulé principalement au mois de juillet, donc Tsahal a attaqué le Sud-Liban. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Et fin septembre, Alain Soral, avec un certain nombre d'autres personnes, fin août, a effectué un voyage au Liban avec des personnalités assez diverses, qui ne sont pas nécessairement des amis, je dirais, de Radio Courtoisie, mais on a l'habitude ici de, enfin, en tout cas moi, et j'apprécie que Claude Giraud le fasse, qu'on permette à des personnes d'opinions différentes des nôtres, mais qui acceptent de dialoguer avec nous, de les avoir au micro. Donc je vais sans doute faire des bons à un certain nombre d'auditeurs. Alors, et donc Alain Soral, c'est... Une petite précision, et vous en êtes bien d'accord, Emmanuel, à condition, et la plupart de nos invités le savent, qu'il n'y ait pas de polémique inutile, la polémique pour la polémique, et qu'il n'y ait pas non plus de dérapages verbaux, c'est-à-dire insultes ou autre chose. On est là pour exposer, vous nous direz ce que vous avez vu, effectivement, mais pas de polémique hargneuse sur le plan des idées et qui n'avance à rien. Bon. On a besoin, et nos auditeurs, d'un témoignage. Voilà. Donc Alain Soral va nous en parler, mais il est entouré d'un certain nombre de personnes. Enfin bon, on peut citer par exemple Thierry Messant du réseau Voltaire. Oui, on est parti. Il y avait un peu des dissidents qui se sont groupés pour faire un voyage pour voir. En fait, moi, j'ai accepté d'y aller parce qu'on m'a proposé. Je me suis dit, tiens, j'ai pas plus de très confiance dans les médias. Je trouve que j'étais en Espagne au moment de l'agression israélienne sur le Liban et j'ai trouvé que le traitement espagnol était quand même plus réaliste, entre guillemets, et je suis quand même effaré de du traitement médiatique français moyen. Et quand on m'a proposé d'y aller, ben, j'y suis allé pour voir, en fait, sans a priori d'ailleurs. Hein. C'est un voyage, c'est des rencontres. D'ailleurs, j'ai très peu communiqué dessus depuis. Je crois que j'ai même pas mis de texte sur mon site internet, parce que c'est une expérience qui est personnelle et qui me nourrit. Mais visiblement, rien que le fait d'avoir osé y aller suscite des haines incroyables. Oui, et d'ailleurs, ce qui est très curieux, puisque j'ai vu que, enfin, je n'y étais pas, mais j'ai vu des photos, vous étiez à la conférence de presse que ce petit groupe a organisée, oui. Et il y avait un journaliste. Oui, un ou deux, quoi, oui. D'ailleurs, oui. Donc on peut dire que ce voyage a été totalement boycotté, oui, par les médias. Je crois que les médias n'ont pas... Alors qu'ils ont apporté des commentaires ensuite. Bah, c'est-à-dire que c'est marrant, c'est que là-bas, on a été reçus par le président de la République, par le général Aoun, par les représentants du Hezbollah, par le... Le président du CSA local, le président du CSA local, le président Chavez. Enfin, là-bas, on a été reçu par tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde avait envie que des Français qui s'inscrivent dans une tradition, pour moi, qui est une tradition de gauche, quoi, de témoignages humanistes, etc., voient simplement de leurs yeux, en se disant, ben, ça sera toujours peut-être un petit rééquilibrage, quoi. Ils demandaient pas plus. Hein, et donc là-bas, on a été reçu par tout le monde. Et de retour en France, on a organisé une conférence de presse. Et je crois que bah, personne n'est venu, quoi. Donc bon, ça passe par Internet, comme toujours. Et c'est étrange de voir cet écart abyssal entre le fait d'être respecté comme un intellectuel français à l'étranger et que l'endroit où on est traité comme moins que rien, c'est la France, quoi. C'est le pays où on est le plus maltraité quand on essaye de faire un travail qui vraiment est essayer de maintenir un certain honneur français et une certaine tradition d'intelligence critique à la française. C'est-à-dire, c'est en France où l'esprit français est le plus mal vu aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des gens très divers? Tout le monde en a. Puisque vous disiez justement, bon, les gens le connaissent peut-être plus à ce micro, bon, donc le général Aoun. Oui, qui m'a remis d'ailleurs un... Qui a été qui a un élément de défense, enfin, qui a joué un rôle important dans la défense des chrétiens du Liban, et qui est, je crois, très déçu de la France. Oui, oui, il m'a dit beaucoup de mal des journalistes français qui étaient venus le voir, en disant qu'ils avaient carrément trahi ses propos... Et en fait, il nous a remis un document, comme je n'étais pas très initié, j'étais très étonné, qui est un document d'entente mutuelle entre le Hezbollah et le courant patriotique libre. C'est-à-dire que j'ai découvert là-bas que les chrétiens maronites de la droite classique représentée par Aoun avaient passé des accords avec le Hezbollah, ça amène à se poser des questions sur ce qu'est le Hezbollah là-bas et sur l'écart entre ce qui semble être là-bas et l'image qu'on nous en donne ici, quoi. C'était une des surprises du voyage de voir que le mouvement Hezbollah n'est pas considéré par les Libanais comme un mouvement extérieur, terroriste, marginal, mais plutôt comme une des composantes du paysage politique du Liban, une force de terrain social et militaire évidemment incontournable, et que d'après le sentiment que j'ai, 70 à 80% des Libanais étaient solidaires de leur action au nom de la nation libanaise. Et que les hostilités les plus grandes que j'ai rencontrées contre le Hezbollah étaient plutôt des gens de la diaspora, des gens qui ne sont pas là-bas. Quoi. Voilà, bon, ben c'est une des découvertes que j'ai faites. Et alors qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Eh ben, je vais vous dire tout simplement, de la frontière, parce que l'espace aérien était fermé, donc on est passé par Damas. Donc après on a rejoint le Beyrouth par la route, donc du nord à Beyrouth. On va dire ce qui est détruit, c'est les ponts, les routes, les infrastructures de circulation, de communication qui sont évidemment détruites. Et à partir de Beyrouth Sud, notamment la banlieue de Beyrouth, et jusqu'en bas, c'est à peu près tout est rasé, quoi. La destruction du pays, et surtout, par exemple, la banlieue sud de Beyrouth, ce qui est incroyable, c'est qu'est rasé intégralement tous les immeubles d'habitation des quartiers populaires, quoi. C'est-à-dire que on a rasé le pays, quoi. Et ça, vous dites, il faudrait préciser par nos auditeurs, l'aviation israélienne. Oui, l'aviation israélienne a fait un travail qui ne semble pas en rapport avec ses objectifs, qui était d'aller traquer une milice, très peu nombreuse et qui aurait nécessité plutôt un travail de commando. Là, il y a eu un énorme travail d'aviation et de bombardement lourd qui fait que le pays est entièrement détruit. Le prétexte était que ces membres du Hezbollah se cachent parmi la population. C'était le prétexte donné. C'est difficile quand on voit la banlieue sud de Beyrouth qui ressemble à nos banlieues, entièrement rasée comme Dresde, quoi, avec des gosses qui errent dans les gravats. Et alors la deuxième chose très étrange, c'est de voir que la population libanaise est très optimiste puisqu'elle estime qu'elle a gagné, elle a militairement gagné. Et donc on a au milieu des ruines un espèce d'enthousiasme assez incroyable et surtout comment dirais-je, un consensus, une réconciliation contre ce qui semble être bien l'ennemi commun, réconciliation des, bon, de, en tout cas visiblement des communautés libanaises ensemble, et réconciliation avec le voisin, le frère et le cousin syrien, puisque, et les Palestiniens aussi, puisque les gens nous ont dit, les Syriens, puisqu'il y a eu 1 million de gens qui ont fui le Liban sud. Fait qu'il y a peu de morts, on va dire, par rapport aux dégâts matériels. C'est ça qui est incroyable de savoir. Oui, mais ça, c'est la nouvelle politique israélienne qui a été définie, un système de cercle. Enfin, et on comprend pas grand-chose, 1000 morts, quand on voit le ravage de les bombardements. Mais c'est surtout parce qu'ils ils cassent les infrastructures, tout ce qui est pont, télécommunications, etc., pour empêcher l'armée d'intervenir. Enfin, c'est on n'a pas été ensevelis massivement sous les bombes, sinon il y aurait des centaines de milliers de morts. C'est-à-dire que les gens ont réussi à fuir, ils se sont réfugiés ailleurs, je crois que c'était 1 million de gens qui sont partis. Ils ont tous été très bien accueillis en Syrie, même dans les camps de réfugiés. Des gens m'ont dit, les larmes aux yeux, qu'ils avaient été accueillis dans les camps de réfugiés palestiniens qui pourtant n'ont rien et leur ont donné leur lit, etc. Enfin bon, il y a une espèce d'élan de belle fraternité comme ça. Les gens ont une lumière dans les yeux, ils sont tous sauf désespérés, et d'ailleurs, le lendemain de l'arrêt des hostilités, c'est 1 million de gens qui étaient partis sont revenus de là où ils étaient partis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu fuite d'un peuple qui pourtant, dont l'immense majorité vit à l'étranger. Donc on aurait pu penser qu'ils n'y remettraient pas les pieds. Ils sont tous revenus, c'est-à-dire qu'il y a, on dirait que cette agression a généré une espèce une fierté nationaliste libanaise très, on va dire, œcuménique. Hein. C'est la chose qu'on a le plus évidemment constatée. Et donc c'est un élément majeur qu'Israël n'ait pas gagné, parce que... est tenu d'ailleurs, on le voit bon dans la presse israélienne où les réservistes qui ont été appelés en masse disent l'armée se conduit de manière lamentable, ils savaient pas où on arrivait, en tout cas, si on est de façon évidente et immédiate. Alors après il y a peut-être des stratégies très complexes de billard à plus de 3 bandes, mais on est face à une défaite médiatique, parce que c'est très difficile même pour les médias les plus à la botte de défendre la mission humanitaire des bombardements et de dire que c'était pour lutter contre le terrorisme et libérer les Libanais de leurs terroristes hezboliens, parce que ça, les seuls qui ont osé faire ça, c'est à la limite les proches de la famille Hariri. Et je pense que c'est ce qui fait maintenant qu'ils sont sur un siège éjectable. Ils vont avoir beaucoup de mal à se maintenir au pouvoir là-bas. Pour la majorité des Occidentaux, en privé, il est évident que l'agression est très disproportionnée par rapport aux motifs qui eux-mêmes sont très discutables. Donc il y a vraiment l'espèce de conscience gênée d'une brutalité inouïe qui nous rappelle d'autres époques et d'autres régimes. Donc là, il y a une défaite, on va dire, médiatico-idéologique. Il y a une défaite politique parce que ça grogne beaucoup en Israël, parce qu'on dit on n'a pas envoyé les bonnes personnes, c'est une catastrophe, etc. Et puis une défaite militaire, défaite politique et défaite médiatique. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, moi qui ai un très grand respect pour l'intelligence israélienne, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Franchement, c'est difficile de comprendre s'ils connaissaient si mal le terrain, l'organisation Hezbollah, etc., ou s'ils avaient d'autres objectifs. Mais sans doute n'avaient-ils pas clair encore. Non, mais sans doute n'avaient-ils pas réussi à les infiltrer, à la différence des groupes palestiniens qu'ils ont largement infiltré depuis longtemps. Là, c'est... Et mais ils ont pas, yeux, c'est pas clair. Et ils n'ont pas pu ficher. C'est pas clair, parce que je crois pas si bête que ça, quoi. Je me dis peut-être qu'il y avait plusieurs objectifs poursuivis. Enfin, le Hezbollah était préparé. Mais ce qui est sûr, c'est que aucun de ces objectifs n'a été atteint. Parce que si simplement l'objectif avait été de créer un no man's land au sud Liban, qui est quand même le nord d'Israël, où les gens sont partis parce que terrorisés et tout détruits, peut-être qu'un jour ça aurait pu être un endroit où les Palestiniens de Cisjordanie auraient pu aller s'installer, par exemple, parce qu'il y a un problème. Donc on aurait pu penser que ça... Mais comme tous les réfugiés sont revenus immédiatement, on leur a donné des sous pour qu'ils se réinstallent et qu'ils n'ont jamais été aussi attachés à leur terre et à leur pays que depuis qu'on les a bombardés, cet objectif-là ne marche pas non plus. Si c'était pour faire rentrer les Américains pour amorcer un conflit, peut-être qui aurait dû s'étendre à la Syrie, au Liran, il se trouve que peut-être malgré un gros travail de lobbying, il y a eu des freins au niveau de l'administration américaine qui fait que le timing n'a pas fonctionné et que donc ça a capoté. Parce que je crois que, d'après ce que j'ai compris, si l'armée israélienne s'est retirée du terrain le dernier jour, c'est que je crois qu'il commençait à avoir énormément de morts sur le terrain. C'est-à-dire que je crois que ils ont entre 100 et 150 morts, c'est difficile. Moi, je vais essayer de me renseigner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près, pour une fois, autant de morts d'un côté que de l'autre, ce qui est très rare dans un conflit israélo-arabe. En général, c'est un rapport de 1 pour 10. Hein. Là, on dit il y aurait une centaine de morts des deux côtés. Certains disent 107 à 140. Les militaires. Oui, enfin, oui, morts, mais des combattants. Oui, voilà. Parce qu'il y a eu des civils. Donc, pour une fois, les soldats israéliens ont au moins autant de morts que les combattants du Hezbollah. Ils ont été très surpris, d'ailleurs. C'est un échec. Vous avez rencontré les gens du Hezbollah? Oui, oui, on a rencontré les gens du Hezbollah, les gens de Al-Manar. Vous avez vu qui, du Hezbollah? Enfin, des... Alors moi, non, mais pas les noms, mais on n'a pas vu évidemment Nasrallah qui était un petit peu caché. Hein, je crois que vous avez vu le président du groupe. Voilà, du groupe parlementaire, oui. Parce, oui, qu'il faut expliquer que, on peut le dire, moi aussi j'étais surpris en lisant la presse. Bon, aux États-Unis, c'est considéré comme un groupe terroriste. Mais là-bas, ils ont des ministres et des députés. Ils ont des ministres et des députés. Oui, ils sont partie prenante du gouvernement libanais. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait en France éradiquer la CFDT par des bombardements lourds. Vous voyez, c'est à peu près du même niveau de bêtises. Vous voyez, c'est comme si l'Amérique se disait il faut qu'on règle l'exception française et la puissance du syndicalisme français, qu'ils se disent il y en a marre de la CGT, il faut virer la CGT d'EDF, et qu'ils se mettent à bombarder nos centrales nucléaires. Vous voyez, c'est le même. Relation de cause à effet absurde, vous voyez. Donc, et oui, sur place, on est obligé d'admettre, quelle que soit sa position, parce que moi, je suis pas un fanatique de l'islam, et j'ai même été échaudé des fois en leur tendant la main, donc on peut pas me soupçonner de... Je suis d'abord un Gaulois, un Français, et un type qui défend ses valeurs, son pays, et une certaine tradition... d'intellectuels qui se posent des questions, mais j'ai quand même été obligé d'admettre. D'abord, j'ai vu que des gens en costume cravate, j'ai pas vu de barbus fanatiques. J'ai vu des gens des gens que j'ai rencontrés, ceux qui connaissaient le mieux la politique intérieure française, c'était plutôt les gens du Hezbollah. Donc très au courant de la politique internationale, enfin des gens pointus, quoi. Je veux dire politiquement pointus, qui me font plutôt penser, si on faisait une relation, à ce que pouvait être le PCF en France dans les années 50. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont ils s'occupent des pauvres, ils sont sur le terrain social. Vous voyez, sur la reconstruction, ils sont très actifs sur le terrain. C'est plutôt des gens qui ont, disons, une grosse présence de terrain dans les milieux pauvres et qui font à mon avis du social et qui sont donc absolument pas une pièce rapportée étrangère, etc. Quoi. C'est-à-dire que si on fait cette analyse-là, c'est presque un message que je lance aux Israéliens, si on veut avoir une action efficace et cohérente, déjà, il faut que la connaissance des prémices et des bases soit la bonne. Et visiblement, je trouve qu'il y a une baisse de niveau chez certains, c'est que la propagande pour les idiots, c'est bien, mais quand on se met à croire soi-même à la propagande qu'on fait pour les autres, et ça devient dangereux pour soi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu auto-intoxication, vous voyez. C'est-à-dire que certaines personnes se sont mis à croire à la propagande qui vendent à nous, braves gens des pays étrangers. Enfin, sinon, ça paraît absurde. Comment expliquez-vous cette erreur d'appréciation de la part d'Israël et de stratégie par cette action? Comment je l'explique, je la constate déjà, j'en suis très étonné. Et on peut-être qu'on est à une espèce de basculement de l'histoire où, une domination militaire stratégique, et même au niveau du renseignement, etc., commence à s'essouffler. Peut-être qu'il y a aussi des fissures dans le système, on va dire même de la... il paraîtrait même qu'il y aurait eu des désertions, ou même pour la première fois des soldats israéliens qui auraient renseigné l'ennemi. Enfin, il y a quelque chose qui ressemble un peu à la... peut-être un climat en Israël qui ressemble un peu, je dirais toute proportion gardée, à l'affaire Rosenberg, c'est-à-dire où des pacifistes commencent à traîner les pieds, il y a quelque chose qui se délite, quoi. Et les gens du Hezbollah que j'ai vus disaient, bah oui, c'est incroyable à quel point ils n'étaient pas au courant. Vous avez rencontré donc le président libanais, là? Oui. Oui. Oui, oui. Donc vous, je sais pas, enfin, le groupe, vous avez parlé de quoi? À ce moment-là, moi, j'étais pas là, au rendez-vous lui-même, puisqu'on a divisé un peu le travail, parce qu'on avait 3 jours pour voir tout le monde. Ce qui est très bizarre, c'est que le président Laoud, quand le Kofi Annan de l'ONU est venu, il a refusé de le rencontrer, ce qui est hallucinant, alors qu'il est président, c'est contre toutes les lois internationales. Donc ce qui veut dire qu'il est visiblement mal vu par ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est une expression un peu étrange, parce qu'il veut dire en général, ça veut bien dire la volonté américaine en général. Il est mal vu. Et que ceux avec qui la puissance américaine dialogue, c'est plutôt la bande de Hariri fils, qui eux sont très très mal vus au Liban en ce moment. C'est-à-dire que tout ça est très mal positionné. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y ait un espèce de changement politique brutal au Liban dans pas longtemps, et que les gens qui sont en place par la volonté de la puissance agressante sont vraiment très très en porte-à-faux par rapport à leur population, parce qu'ils sont considérés comme des traîtres, des collabos, des gens qui ont applaudi une agression qui a détruit leur pays. C'est-à-dire que les conséquences, on n'a pas encore toutes les conséquences de ce partage. Vous savez quand même ce qui a été dit Ou... C'est pas dit grand. Enfin, je crois qu'il s'est dit surtout que. Ah, c'est déjà intéressant qu'il reçoive cette délégation. Oui, il a reçu cette délégation. Je crois que Dieudonné a comme idée d'aller jouer un spectacle là-bas. Et ils étaient surtout contents de voir des Français qui venaient voir de leurs yeux et avec ce sentiment que les médias français n'ont aucune indépendance et aucun recul et aucune objectivité et que ils sont. Comme ils ont un grand attachement historique à la France et à la culture française, ils sont consternés de voir le jeu que joue la France, entre guillemets, officielle, avec les Libanais, comme avec les Syriens d'ailleurs. Ils disent, on ne comprend pas quel jeu les Français, enfin les représentants sérieux officiels de la France jouent, parce que nous, la France est un pays avec lesquels on a des liens très forts, et là, ils nous ont systématiquement tiré dans les pattes. Mais ils attendent sans doute trop de la France. Oui, en tout cas, ils étaient contents de voir des Français à l'ancienne, parce que eux, Haïmit Sof, le Hezbollah, qui avait l'air très au courant de l'évolution de la France et des rapports de force en France, les gens qu'on a rencontrés du Parti National Social ou même des Syriens sont encore un peu à la France de De Gaulle. Hein. Ils n'arrivent pas à comprendre que le Quai d'Orsay gaulien, il y a longtemps qu'on n'en a plus les moyens, et ils disent on ne comprend pas ce que fait Chirac. Alors je dis bah oui, parce que lui-même, faisant de temps en temps un pas en avant pour lui-même et après un pas en arrière parce qu'il est contraint par des tas de forces qu'il dépasse, effectivement, il danse une espèce de gigue incohérente. Et effectivement, ils sont perplexes, tristes, et je crois qu'on est en train de perdre beaucoup de points là-bas, une fois de plus. La France, une fois de plus, perd de son influence et de sa respectabilité là-bas. On déçoit beaucoup de gens, et pour des intérêts visiblement qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que là est la tragédie, c'est que la France, disons, perd des points là-bas pour défendre des intérêts qui ne sont pas les intérêts de la France. C'est très triste, et c'est en ça qu'ils étaient contents de nous voir témoigner. Monsieur Soral, quelques messages. Vous n'êtes pas forcé de répondre à tous, certains n'appellent pas de réponse, mais je vous les livre, lisez ceux qui viennent d'arriver, il y en a énormément. Alors, le premier, mes félicitations à Claude Giraud et Emmanuel Ratier pour leur ouverture d'esprit en invitant Alain Soral. Autre message, les auditeurs de Radio Courtoisie souhaitent un prompt rétablissement à Alain Soral. Une auditrice, pour vos yeux, prenez de la gaze et de l'argile verte, faites une pâte et posez-la sur vos yeux, vous serez guéri plus rapidement. Ah, c'est gentil, je ferai ça à la maison parce que pour marcher dans la rue, c'est pas facile. Bien, mais alors... Je vais en reprendre d'autres. Monsieur Soral est-il d'accord avec le Hezbollah pour faire disparaître Israël? Je dis à la suite. Alors ça, c'est des conneries. Non, mais pour le moment, M. Soral s'est exprimé avec doigté, avec modération. Non, pour moi, je ne suis pas à ma boule. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui disent ça, c'est comme les gens qui disent qu'il faudrait rejeter tous les Maghrébins français à la mer. Vous voyez, je veux dire, à un moment donné, on est dans le réel. C'est-à-dire qu'il va falloir que des gens discutent et arrivent à vivre ensemble dans une région où, semblait-il, comme ils me l'ont tous dit, ils vivaient de très bonne intelligence par le passé, puisque les communautés juives, maronites, etc., ont toujours très bien vécu dans ces régions. On me l'a dit en Syrie, on me l'a dit au Liban, on me l'a dit ailleurs. Et visiblement, ce qui pose problème, c'est un certain sionisme qui a atteint un niveau, on va dire, de délire assez haut et qui pose de gros problèmes à une coexistence pacifique dans la région. Donc moi, les propos les plus extrêmes que j'ai entendus, c'est qu'il faudrait revenir aux relations intercommunautaires qui étaient celles de la Méditerranée à une certaine époque où les communautés vivaient en bonne intelligence, etc. J'étais très étonné de voir que je n'ai rencontré chez les Syriens comme chez les Libanais aucun antisémitisme. C'est-à-dire qu'ils font vraiment la part des choses entre l'évolution de la politique israélienne depuis quelques temps et des gens avec qui ils ont vécu depuis des siècles, qui ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes, hein, parce que ce n'est pas le même nombre, et qui étaient la communauté juive. J'ai entendu ça à Damas, j'ai entendu ça à Beyrouth. Je n'ai pas rencontré d'excité là-bas. Hein. C'est ça qui est une belle leçon. Donc je vais vous lire deux messages à nouveau. Puisque M. Soral est parti au Liban sans a priori vis-à-vis du conflit, pourquoi n'a-t-il pas visité le nord d'Israël pour s'informer sur les victimes et les dégâts occasionnés par le Hezbollah? Et dernier petit coup de patte, où est son objectivité? Eh ben, je peux y répondre. D'abord parce que je ne suis pas sûr qu'on nous aurait accueillis. Deuxièmement, on sait très bien qu'il y a eu des roquettes qui sont tombées et on sait les victimes que ça a fait. Et on sait que c'est sans commune mesure, des tirs de roquettes sont sans commune mesure avec des bombardements lourds de bombardiers avec du matériel américain, de matériel perforant qui a été livré dans un deuxième temps via l'Angleterre, comme on sait, parce que les premières bombes n'avaient pas ces dégâts. Donc si ce monsieur veut être honnête, effectivement il y a eu réaction, mais on ne peut pas comparer les dégâts que font des roquettes D'ailleurs, le nombre de morts, on peut le dire, il y a eu surtout des gens qui ont fait des dépressions nerveuses et des crises de nerfs, parce qu'il y a des voitures qui ont pris feu. C'est sans commune mesure avec des bombardements lourds. Donc il faudrait. C'est ça qui me gêne, c'est qu'il faudrait. L'honnêteté, à un moment donné, serait la vraie stratégie de l'intelligence. C'est-à-dire une telle malhonnêteté. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Je fais quand même partie d'une vieille civilisation, moi aussi. J'ai une certaine culture. Et cet argument-là est un argument qui, forcément, est un argument à très court terme. Le monde a très bien compris que la riposte du Hezbollah était 100% comme une mesure avec le bombardement massif qui a rasé un pays, qui est en plus un pays qui, pour les Français, n'est pas un pays arabe ou lointain, qui est un pays frère de gens qu'on considère pratiquement comme d'ailleurs les Israéliens, comme les Européens. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des gens qui parlent français, qui ont une diaspora très présente ici. Donc c'est très dommageable à l'idéologie de ce monsieur, parce que là, c'est pas des bougnoules à qui on a botté le cul, c'est pratiquement à des Européens francophones. Et donc, il faudrait que ces gens-là deviennent plus intelligents. On a un deuxième message qui est assez long, donc j'en lis qu'une partie, mais qui, à mon avis, est intéressant. Votre présence à ce micro démontre qu'une union et réconciliation des esprits soucieux de l'avenir de notre pays et de sa culture est en cours, enfin débarrassée des influences politiques qui organisent notre division pour mieux régner et imposer l'ordre nouveau mondialiste. Oui, c'est certain. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, De Gaulle s'est bien associé avec les communistes à un moment donné quand il s'agit de se libérer, disons, de la botte allemande. Et je pense qu'on est dans une période qui peut ressembler un peu à quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, et qui est l'origine de ma culture, qui est le CNR. C'est l'union sacrée, comment dirais-je, des forces vives et des courages d'un pays quand il y a, une cause supérieure à défendre. On n'en est plus aux petites querelles mesquines de chapelle, et les gens qui se maintiennent dans ce genre de petites querelles, c'est qu'en réalité ils n'ont pas envie d'atteindre des objectifs nobles et valables, hein. Il faut se poser des questions de ceux qui trouvent que la mariée n'est jamais assez belle et qui mettent la barre tellement haut qu'ils sont toujours sûrs de passer dessous, hein. Autre message d'un auditeur. Pour une fois sur Radio Courtoisie, un invité dit la vérité sur ce qui se passe réellement au Liban, contrairement à ce qu'on entend couramment, à savoir qu'il y a un affrontement politique entre chrétiens et musulmans. Cela prouve que les Libanais n'ont pas besoin de conseils extérieurs pour s'entendre, mais plutôt faudrait-il les aider à dialoguer pour vivre en paix. On n'a pas besoin de tellement les aider, ils le font en fait. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est relayer médiatiquement, honnêtement, l'effort qu'ils font pour dialoguer entre communautés et entre religions. Alors j'ai l'impression que les médias français, pour des raisons qui me dépassent un peu, bon après c'est un sujet en soi, propagent la version américaine qui est de dire qu'il y a une espèce de... que le Hezbollah serait une sorte d'Al-Qaïda. Or, cette analyse... Et ne correspond pas à la réalité. Donc à un moment donné, les journaux comme Le Monde, Libé, qui ont accompagné cette thèse au début de l'agression, ils vont avoir un gros problème pour de réajustement, parce que la vérité va se savoir à un moment donné. Donc comment ils vont faire? Il ne faut pas qu'ils s'étonnent s'ils perdent des lecteurs tous les jours. C'est-à-dire que quand on fait à ce point-là de la propagande grossière, c'est toi d'être encore respecté comme journaliste. Et c'est ça, moi, le problème, la question que je me pose, c'est comment ils vont faire pour retomber sur leurs pattes et réadmettre à un moment donné ce qu'ils seront obligés de faire. Le Hezbollah dans le jeu politique de la région. Voilà. Est-ce que vous obligé de le faire. Est-ce que vous avez rencontré des responsables catholiques? J'ai rencontré un maronite, j'ai rencontré un représentant du mouvement national social, donc je sais pas, là je suis pas assez pointu sur le sujet. Les catholiques que j'ai rencontrés, c'était plutôt des gens qui vivent à la fois en France et là-bas. Hein, c'est des... J'ai rencontré des catholiques en tant qu'un personne. Non, vous ne connaissez pas la position de l'église maronite. Est-ce que le général Aoun est représentatif de cette communauté? Il me semble que oui. Et lui, ce document que j'ai là, qui m'a remis personnellement, document d'entente mutuelle entre le Hezbollah et le courant patriotique libre, semblerait que sur le terrain, la bourgeoisie maronite de droite, qui d'ailleurs de droite et pas d'extrême droite, a depuis déjà le 6 février, c'est daté, passer des accords de co-gouvernement et d'entente nationale avec le Hezbollah. C'est une réalité, ce document. Le Figaro, au mois d'août, le général Aoun m'a donné ce document en me disant je vous le donne parce que je l'ai donné à Georges Malbruno. À chaque fois, il l'oublie. Il n'arrive pas à le prendre. C'est-à-dire que visiblement, M. Georges Malbruno du Figaro n'a pas envie que ce document soit connu. Or, il y a une entente entre le Hezbollah et les chrétiens maronites représentés par M. Aoun. Alors, est-ce que M. Aoun ne représente rien? Je ne crois pas. Hein. Sur place, là-bas, il représente quand même quelque chose. Certains disent qu'il sera le prochain président de la République. Sur ce Le cas particulier du général Aoun, je vous lis un message d'un auditeur. Je suis Libanais, je reviens du Liban. Le président Aoun a retourné sa veste et il est maintenant allié de la Syrie et de tous les partis pro-syriens. Je laisse la responsabilité. Alors moi, j'ai posé la question au général Aoun. J'ai dit, écoutez, vous avez été un fervent ennemi de la Syrie. Comment se fait-il que vous ne l'êtes plus? Il a dit, écoutez, moi, je suis un nationaliste. Quand les Syriens occupaient notre pays et nous dominaient, je me suis battu contre eux. Les Syriens sont partis. Ils se sont très bien comportés avec nos populations civiles pendant le conflit. L'objectif n'est plus de lutter contre la Syrie. Ils ont aussi bien vu que depuis que la Syrie n'est plus là-bas, les Israéliens ont pu quand même engager une attaque qui aurait été beaucoup plus difficile à mener si l'armée syrienne était encore présente. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un calendrier qui est peut-être le fruit du hasard, mais qui existe. C'est mort de M. Hariri. La 1559, je crois, ou je sais pas quoi, ou que M. Chirac a poussé au niveau de l'ONU. On a fait un travail pour que les Syriens se retirent du Liban. Les Syriens se retrouvant sans protection, les Libanais se retrouvant sans protection syrienne, sont assez vite attaqués violemment par l'État d'Israël. Donc ça a travaillé dans l'esprit des gens. Ils se sont dit finalement, les Syriens, si pénibles soient-ils, ne nous avaient pas rasé le pays à coups de bombe. Je veux dire, donc il y a effectivement une réconciliation relative des Syriens et des Libanais face à cause de ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'agression israélienne. Et Monsieur le général Aoun, qui est sans doute un fin politicien et qui cherche sans doute à revenir au pouvoir aussi, effectivement a changé d'ennemi, mais parce que l'ennemi lui-même a changé. Je veux dire, il faut aussi... il nous a dit, je me suis battu contre la Syrie comme patriote. Aujourd'hui, je m'allie au Hezbollah comme patriote, mon but étant toujours de sauver le Liban. Voilà, voilà ses réponses. Je ne suis pas son représentant. On la prend pour ce qu'elle est. Merci beaucoup. Il nous reste une petite minute, me dit Franck. Tiens, lisez, c'est pour vous ça, Emmanuel. C'est une adresse qui paraît-il est erronée. Ah. Bon, dernier message. Israël, avant de bombarder le Liban, recevait des roquettes depuis des mois. Avec un point d'interrogation. Oui, enfin, là, si on veut reprendre les choses sérieuses, je crois que le Liban est occupé militairement par Israël depuis 82, 78, je crois que c'est même 78. Donc après, bon, de savoir qui a commencé, etc., ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours le problème des fermes de Sheba, etc., c'est qu'en réalité, il y a eu une agression du Liban par Israël qui date de quoi, de 78 ou 82, je ne sais plus, je suis naissant et plus spécialiste que moi des dates, et qui n'a jamais cessé, et il y a eu, je crois, 12 vagues successives d'agressions, dont c'est, en fait, ce qui s'est passé là est la 12e vague d'agression guerrière, c'est commis par un autre, quoi. C'est comme d'abord, c'est toujours David contre Goliath, mais inversé. Oui. Donc moi, je ne rentre pas dans ce genre de polémique. J'ai dit, de toute façon, est-ce que le but, c'est de trouver une solution pour calmer la région, ou est-ce qu'il faudra aller jusqu'au bout du n'importe quoi, de la guerre, etc., en faisant rentrer l'Iran, la Syrie, puis pourquoi pas les États-Unis, puis après la Russie, et puis la Chine? Est-ce que les gens veulent que cette région soit, le démarrage de quelque chose qui peut ressembler à la Troisième Guerre mondiale, ou est-ce que les gens veulent vivre en paix dans une région où il y a de la place pour tout le monde? Voilà, point. Bonne question. Merci, Monsieur Soral. C'est moi qui vous remercie. Radio Courtoisie.